Tu t'enfermes des heures comme un lion dans une cage, dans le fond d'un vieux garage. Tape et tape des heures, des accords qui dégagent, tu envoies ton cri de rage. J'aime, j'aime ta musique de sauvage. Tu dévoues tes nuits à tes cassettes pirates, à chercher le son qui frappe. Tes mots c'est ta vie, ta musique qui éclate, c'est nos cœurs, nos mains qui battent. J'aime, j'aime tous tes amours qui ratent. Voyou, voyou, c'est tellement bien quand on joue. On est tous, tous comme des fous. Tu mets le désordre partout. Voyou, voyou, c'est tellement beau quand tu joues, qu'on se fout tous tout d'un coup de cette vie qui fait de nous des voyous. Bonheur partout.